Chapitre 2. Nous en eûmes maintes fois la démonstration dans les profondeurs océaniques. Par exemple, je me rappelle que souvent nous observions d'étranges sillons tracés dans la vase batibienne, comme si on eût roulé une futaille. Nous les montrâmes à nos compagnons atlantes et quand nous fûmes à même de les questionner, nous tâchâmes de savoir quelle sorte de bête marquait ainsi son passage. Ils nous la nommèrent d'un de ces mots cliquetants, propres à leur langue, dont je ne saurais reproduire le ton par le moyen d'aucun idiome, ni d'aucun alphabet européen. Crix Chox en serait, si l'on veut, une traduction approximative. Quant à son apparence, nous avions, comme toujours en pareil cas, la ressource d'utiliser le réflecteur grâce à quoi nos amis pouvaient nous donner la claire vision de ce qu'ils avaient dans l'esprit. Ils nous transmirent ainsi une image d'une bête très bizarre, où le professeur ne put voir qu'une espèce de gigantesque limace aquatique. Ronde comme une saucisse, elle avait des pédoncules munis d'yeux à leur extrémité et un revêtement de gros poils ou de soie raide. En nous la montrant, nos amis exprimèrent par geste la répulsion qu'elle leur inspirait. Pour qui connaissait Maracotte, il était aisé de prévoir que sa passion scientifique en serait échauffée et qu'il grillerait d'en déterminer l'espèce et la sous-espèce. Je ne fus donc pas surpris de le voir, au cours de notre expédition suivante, s'arrêter à l'endroit où le sillon creusait la base et obliquer d'un pas résolu vers le fouillis d'herbes et de blocs basaltiques d'où il semblait venir. Au moment où nous quittâmes le sol du plateau, le sillon, naturellement, cessa. Mais au milieu des rochers circulait un ravin qui menait visiblement au repère de la bête. Nous étions tous armés des épieux ferrés que portent habituellement les Atlantes, mais ils me faisaient l'effet d'armes bien chétives au regard des dangers inconnus que nous affrontions. Cependant, le professeur allant de l'avant, nous n'avions rien à faire que de le suivre. La gorge s'élevait entre les deux parois constituées par des amas colossaux de débris volcaniques et tapissés à profusion de ces longues lamellaires, noires et rouges, qui caractérisent les profondeurs extrêmes de l'océan. 1000 ascidies, 1000 échinodermes magnifiques, tous présentant les couleurs les plus gaies, les variétés d'aspects les plus fantastiques, étaient comme aux aguets entre les herbages où grouillaient de mystérieux crustacés mêlés à d'autres formes basses de la vie rampante. Nous ne cheminions que lentement, car la marche, à ces profondeurs, n'est pas facile, et nous montions une rampe abrupte. Subitement, nous découvrîmes l'animal que nous cherchions. L'aspect n'en avait rien de rassurant. Son corps velu sortait à demi d'une cavité qui s'ouvrait dans la masse de basalte. On en apercevait environ 5 pieds. Au bruit de notre approche, ses yeux, larges comme des soucoupes, brillants comme des agates jaunes, commencèrent de se mouvoir en rond sur leurs longs pédoncules. Puis il bougea, il se porta en avant, par une succession de plissements à la façon d'une chenille. Une fois, il éleva la tête à 4 pieds au-dessus des rocs afin de nous regarder mieux. J'observai qu'il portait, fixé aux deux côtés du cou, quelque chose d'analogue aux semelles des souliers de tennis et qu'il en avait la couleur, la taille, les stries même. Impossible de conjecturer ce que cela pouvait être. Nous ne devions pas tarder à l'apprendre. Le professeur s'était mis sur la défensive, les pieux menaçant, la mine intrépide. Évidemment, l'espoir d'acquérir un beau spécimen avait banni de lui toute crainte. Scanlan et moi étions loin d'éprouver la même assurance, mais nous ne pouvions abandonner le vieil homme. Nous nous campâmes à ses côtés. La bête, après nous avoir considérés longuement, se mit à descendre vers nous d'un air gauche, rampant et se tortillant parmi les rocs. De temps en temps, pour vérifier où nous étions, elle levait ses pédoncules oculaires. Elle se déplaçait avec une telle lenteur que le risque pour nous semblait minime, puisque nous pouvions toujours prendre de la distance. Nous ne nous doutions guère que nous fussions si proches de la mort. Sans contredit, la Providence veillait sur nous, car elle nous envoya un avertissement salutaire. La bête continuait d'approcher lourdement. Elle n'était plus qu'à une 60 yards, quand un très gros poisson jaillit comme une flèche d'entre les fourrés d'algues qui, sur le versant où nous étions, bordaient le ravin, en travers duquel, lentement, il s'engagea. Il en atteignait le centre. Il était à mi-distance environ entre la bête et nous, quand tout à coup il eut un sursaut convulsif, se retourna, ventre par-dessus d'eau, et coula au fond. Nous sentîmes tous trois, à ce moment, passer le long de notre corps un picotement aussi désagréable qu'extraordinaire. Les genoux semblèrent nous manquer. Maracotte était aussi vigilant que Hardy. Il saisit immédiatement la situation et comprit que le jeu avait assez duré. Nous avions affaire à un animal qui donnait la mort par émission d'ondes électriques, et nos épieux ne pouvaient avoir contre lui plus d'efficacité que contre une mitrailleuse. Si un heureux hasard n'avait fait qu'il dirigeât sa décharge sur le poisson, nous aurions placidement attendu qu'il fît donner sur nous toute sa batterie, ce qui eût infailliblement causé notre perte. Nous battîmes prestement retraite, bien décidés à laisser tranquille dorénavant le gigantesque ver électrique. Au nombre des dangers les plus perfides que dissimulent les profondeurs, je dois encore ranger le petit noir Hydrops ferox, ainsi nommé par le professeur. C'est un poisson rouge, pas beaucoup plus long qu'un hareng, avec une large bouche et une rangée de dents formidables. À lui seul, il est inoffensif. Mais la moindre effusion de sang l'attire en foule à l'instant même et la victime, assaillie par une multitude innombrable, n'a plus une possibilité de salut. Nous eûmes un affreux spectacle sur le terrain des mines, un jour qu'un des esclaves mineurs s'était par malchance coupé à la main. De partout à la fois arrivèrent des milliers de ces poissons qui se ruèrent sur lui. En vain il se jeta par terre, il se débattit, en vain ses compagnons, bouleversés, intervinrent avec des épieux d'épelle. Tout le bas de son corps, non protégé par l'enveloppe, se fondit sous nos yeux dans le vivant et vibrant nuage qui l'entourait. Où nous venions de voir un homme, il ne resta dans l'espace d'une minute qu'une main sanguinolente sur laquelle tranchait la blancheur des os. Bientôt, les os eux-mêmes demeurèrent seuls à partir de la ceinture, et il n'y eut plus, couché devant nous, qu'un demi-squelette dépouillé du dernier lambeau de chair. Nous en étions malades. Le rude Scanlan en perdit même connaissance, nous eûmes quelque peine à le ramener chez lui. Heureusement, l'étrange n'était pas toujours l'horrible, et je songe en disant cela à un autre spectacle qui jamais ne s'effacera de notre mémoire. Dans l'une de ces excursions si agréables que nous faisions parfois sous la conduite d'un Atlante, et parfois sans guide ni surveillant quand nos hôtes eurent compris que nous pouvions nous passer de lisière, nous fûmes surpris de voir, en arrivant sur une partie du plateau qui nous était familière, une grande couche de sable jaune clair pouvant mesurer un acre de superficie. Nous nous demandions quel courant sous-marin ou quelle secousse terrestre l'y avait apporté ou mis à nu, lorsqu'à notre stupéfaction, elle se souleva toute entière et se mit à flotter par-dessus nos têtes. On jugera de ses dimensions par le fait qu'il fallut pour nous dépasser un temps appréciable, une ou deux bonnes minutes. Ce que nous avions pris pour une couche de sable était en réalité un immense poisson plat, assez voisin, autant que put l'observer le professeur, d'une petite limande et redevable de sa taille aux énormes éléments très nutritifs que contiennent les dépôts batibiens. Tremblotant et scintillant, il s'évanouit dans le noir des régions supérieures. Nous ne le revîmes plus. Un phénomène à quoi nous ne nous serions guère attendus sous les eaux, ce sont les tornades fréquentes qui s'y déchaînent. Elles semblent occasionnées par de violents courants sous-marins qui arrivent sans crier gare et déterminent les mêmes perturbations, les mêmes désordres que les grands tremblements de terre. Nul doute que sans leur passage, il régnerait dans les fonds marins cette putridité, cette stagnation que produit fatalement l'immobilité absolue, en sorte que, comme tout dans la nature, ils répondent à un excellent dessein. Mais ils ne nous causèrent pas moins une alarme très chaude.